Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les os humains. D'abord, c'était une industrie avec des professionnels qui partaient en Afrique, qui partaient en Inde, qui partaient au Vietnam, qui partaient au fin fond de l'Australie ou en Afrique du Sud, qui récupéraient, c'était le mot de l'époque, des populations, et souvent avec des animaux, et ils les ramenaient en Europe ou aux États-Unis pour les exhiber. Toutes les populations du monde ont été exhibées. Il y a toujours plus sauvage que soi. Et ceci a touché 1,5 milliard de visiteurs entre 1810 et 1940. Les chiffres que cite l'historien Pascal Blanchard ont de quoi donner le vertige. Comment expliquer le phénomène des os humains? Poser la question, c'est accepter de plonger dans les profondeurs de l'âme humaine. En cette matinée du 9 mai 2002, en présence du président Thabo Mbeki et de plusieurs milliers de personnes, le corps d'une femme est rendu à la terre sud-africaine. Après plus de 2 siècles d'exil, celle que l'on a appelée la Vénus Hottentot est de retour dans son pays natal. Au cours d'une cérémonie émouvante et symbolique, c'est l'hommage de toute l'Afrique qui est rendu à celle dont l'histoire incroyable et tragique inaugure le destin de milliers d'hommes et de femmes qui, comme elles, vont être exhibés en Occident dans ce qu'il faut bien appeler de véritables zoos humains. Un extrait du documentaire « Exhibition » réalisé en 2010 par Rachid Bouchareb. L'épisode évoqué dans cet extrait est celui qui touche la restitution par la France des restes de Sartier Bartman, qu'on a surnommé la Vénus Hottentot. Restitution qui s'est faite donc en 2002, la France qui redonne les restes de la Vénus Hottentot à l'Afrique du Sud en 2002. L'histoire de cette Vénus Hottentot, de laquelle est inspiré le récent film « Vénus Noire », constitue probablement l'une des plus sombres page de cette histoire des os humains. Pour mieux comprendre l'importance qu'aura ce phénomène des os humains, le contexte aussi qui va mener à leur création, je reçois Carl Bouchard, historien à l'Université de Montréal, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. On reviendra plus tard à l'histoire de la Vénus Hottentot. C'est vraiment une triste mais une importante histoire. Mais d'abord, à quand remonte, Carl Bouchard, ces fameux os humains ou en tout cas ce qui peut s'y apparenter? Oui, en fait, on a les os au 19e siècle, on va en parler plus longtemps, mais c'est clair que la pratique, elle, est beaucoup plus ancienne. On a toujours eu ce rapport à l'autre très particulier, cette volonté de, à la fois, présenter l'autre, découvrir l'autre, exposer l'autre, depuis l'Antiquité jusqu'à un épisode qui nous touche peut-être un peu plus, celui des Grandes Découvertes, où les explorateurs rapportaient, des Portugais, les Espagnols, les Français ont rapporté dans les cours européennes des Amérindiens du Sud, des Amérindiens du Nord. Même chose pour des Portugais qui ont pu ramener des Africains dans les cours portugais. Pour exposer, pour exhiber dans ces cours européennes ces êtres d'ailleurs, avec la curiosité qui entourait cette différence. Voilà, une curiosité, une volonté de comprendre aussi qui sont ces gens. Dans le contexte des Grandes Découvertes, c'est aussi un questionnement philosophique important. D'où viennent-ils? Quelle est leur origine? Ça ne rentrait pas dans le cadre religieux. On ne savait pas quelle était l'origine de ces hommes. Donc, il fallait les voir. Est-ce qu'ils sont comme nous? Comment ils sont physiquement? Comment ils se développent? Mais les os humains comme tels, ce à quoi on va s'attaquer pour toute la durée de cette émission, ça commence vraiment au 19e siècle. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de ces os humains, on parle de quoi? Oui. Bien, on parle en fait d'exhibition dans un cadre à la fois de divertissement, donc il y a à la fois des cirques, donc où on exhibe des sauvages, et puis un cadre plus institutionnel dans le cadre, par exemple, des expositions coloniales, des expositions universelles. Donc il s'agit de les présenter à un public et, si possible, de restituer de façon un peu stéréotypée leur cadre de vie à l'origine. Donc, ces gens étaient présentés à la fois donc, avec des animaux, par exemple, par moment. D'autre part, on pouvait représenter un village dans lequel ils étaient placés. Et puis, par moment, il y a un cadre de spectacle, tout simplement. Oui. C'est le cas de Sartier Bartman, par exemple, où il était dans des spectacles, dans des cabarets. En fait. Dans tous les cas, que ce soit une exposition universelle ou coloniale ou un cirque, le spectacle de cirque, on paye pour aller voir donc, ces gens qui sont exhibés sous mes yeux. Comment on en vient à créer pareil zoo? C'est une question complexe, c'est une longue question. On en vient, en fait, parce que l'Europe se développe aussi. On est dans un contexte où les Européens se déploient territorialement, c'est-à-dire on crée les empires, des empires qui ont une puissance inédite, c'est-à-dire qu'il y a, certains historiens parlent d'un différentiel de puissance entre l'Europe et le reste du monde. Mmh. Et cette volonté de s'étendre contribue donc à asseoir cette idée que les Européens ont une supériorité sur les autres peuples. Et donc, on est en droit de non seulement les conquérir, mais aussi les utiliser. Les utiliser eux et aussi utiliser leur territoire pour ce qu'on appelle à l'époque le mettre en valeur, l'exploiter. Et ça, c'est fondamental, cette notion de supériorité. Vraiment, c'est vraiment fondamental dans cette exploitation, au fond, d'êtres humains en les exhibant dans des zoos. Ça va se déployer en Europe, en Amérique. Si on fait un peu la chronologie, puis on en viendra à la Vénus Hottentote, parce qu'elle est vraiment importante, mais ça commence donc au 19e siècle, des deux côtés de l'Atlantique, voilà. Au cours du 19e siècle, là, on connaît tous le cirque Barnum, par exemple, Barnum & Bailey. Donc, Barnum a commencé dès le départ à faire ses exhibitions. Il le fait dans un cadre de ce qu'on appelle à l'époque les « ethnic and freak shows ». Donc, les « freak shows », c'était l'exposition de gens qui sont hors de la norme de la société, des femmes à barbe, des siamois, des hommes obèses. Donc, on les présente, on les exhibe. Et puis, Barnum en profite pour présenter des Amérindiens, utiliser des Amérindiens qu'on va introduire dans le spectacle. Un qui connaît un grand succès en Europe à la fin du 19e siècle, c'est Buffalo Bill, par exemple, qui va faire des tournées européennes avec sa troupe d'Amérindiens, où on va recréer là, les épisodes de la conquête de l'Ouest, par exemple. Fou. Donc, ça commence dans un contexte plus de divertissement, disons, du côté américain. Et puis, du côté européen, c'est plutôt dans le dernier quart du 19e siècle, notamment grâce à un entrepreneur qui s'appelle Karl Hagenbeck, un entrepreneur allemand, installé à Hambourg, qui lui a comme pratique de fournir les cirques en animaux. Et il a, à un moment donné, cette idée que au-delà des animaux, on pourrait amener avec nous des animaux exotiques et les hommes qui s'en occupent et qui les chassent, et on pourrait les présenter à un public qui, lui, sera fasciné par cette découverte-là. Et puis, du côté européen toujours, donc, ça va donner cette histoire vraiment très importante, mais très triste, l'histoire de la Vénus Hottentote. Racontez-nous-la, parce que là, vraiment, on atteint un sommet, en fait, dans la le sommet n'est pas le bon mot, on est vraiment là tout au fond du baril. Là. Qu'est-ce qui se passe? On est au fond du baril parce que son histoire est d'une terrible tristesse. C'est une femme qui fait partie de la tribu Khoisan en Afrique du Sud, donc ce qu'on appelle aussi communément à l'époque les Bushman. Et elle arrive d'Afrique du Sud en Angleterre avec deux agents, impresarios, qui décident de l'exhiber, donc dans le cadre de cabaret, et on la fait jouer la sauvage, en fait. Cette femme n'a absolument rien de sauvage. On la fait grogner, on la tient en laisse, on la met en cage. Et le public découvre cette femme étonnante, qui est d'autant plus étonnante qu'elle a des particularités physiques. Donc, elle a un postérieur beaucoup plus développé que la moyenne et elle a des organes génitaux aussi surdimensionnés. Et c'est ce double jeu-là, donc de divertissement, mais qui a aussi une connotation sexuelle très forte, qui va faire en sorte que peu à peu, cette femme va être exhibée aussi pour des raisons sexuelles. Ouais. Ils vont l'amener exploiter sexuellement. Elle va dans les Pays-Bas, puis ensuite, elle va terminer sa vie à Paris, où les situations sont de plus en plus dégradantes et elle va finir par se prostituer, en fait, et mourir quelques mois plus tard, probablement d'une pneumonie. On ne sait pas encore exactement le cas. Ce qui est triste aussi, c'est ce qui se passe par la suite. Ouais. C'est-à-dire que son corps est récupéré par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. On va en faire un moulage qui sera présenté au Musée de l'Homme de Paris jusqu'en 1974. Donc, il y a aussi quelque chose, il y a une pérennité dans cette dégradation qui est terrible. Et on va la découper, en fait, pour conserver ses organes génitaux et s'en servir, en fait, comme exemple de la supériorité des Blancs sur ce qu'on appelle à l'époque les races nègres. Et encore une fois, 1974, ça montre un peu les traces qui vont perdurer. Ouais. Je reviens à l'extrait du tout début. 2002, c'est la fin véritable de cette histoire où enfin la France accepte. C'est le président français à l'époque qui décide de restituer. Oui, ça montre aussi à quel point, pour nous maintenant, ces choses-là sont absolument intolérables. Ouais. Donc, c'est une pérennité aussi de l'esprit colonial, d'un type d'esprit colonial, mais qui se cache aussi derrière un discours scientifique. C'est-à-dire que les restitutions ont été longtemps bloquées par le muséum lui-même, qui disait que sa collection était importante. Puis c'est tout l'objet des débats aussi sur les extraordinaires musées européens et les États qui veulent qu'on leur restitue leur trésor. Et les musées européens disent non, on est les gardiens de cette richesse-là, c'est une richesse de patrimoine mondial. Donc là, c'est très délicat dans le cadre d'un être humain. Voici l'histoire de huit Inuits venus du Labrador, attirés par des promesses d'aventure et de richesse. Dans un monde de cités modernes et de nouvelles inventions. Un monde qu'on appelait Europe. Mais le rêve d'une vie meilleure ne se réalisera jamais. Ils seront piégés dans un univers aujourd'hui oublié. L'univers des eaux humaines. Vous parliez des Amérindiens qui étaient, qui faisaient partie des spectacles Carl Bouchard du Cirque Barnum, de Buffalo Bill. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un pas de plus. C'est carrément l'histoire d'Inuit du Labrador, extrait d'un documentaire qui s'appelle Piégé dans un zoo humain, réalisé en 2015 par Guillaume Rondeau, et qui raconte donc cette incroyable histoire d'Abraham Ulricab et de deux familles d'Inuit du Labrador qui vont carrément être amenées en Europe et vont être exhibées dans des zoos. Exactement. C'est encore l'aventure de Carl Hagenbeck. Donc, c'est sous la tutelle d'Hagenbeck qui cherchait à développer justement son cheptel humain dans le cadre de ses cirques. Et puis, donc, il amène deux familles. Ça se passe à l'automne 1880, des familles inuites avec un traducteur qui débarque en Allemagne, qui débarque à Hambourg. Et puis, on commence à les présenter comme ça dans les cirques. Leur objectif, c'est de les mettre dans des espaces où on va recréer, encore une fois, leur vie quotidienne. Notamment, par exemple, la chasse au phoque. On leur demande de chasser le phoque. Et donc, ensuite, lorsqu'ils ont tué le phoque, et puis de danser, de faire des gestes comme on fait. Alors, les gens les regardent de façon évidemment fascinée. Lorsqu'il n'y a plus de phoques, on prend l'enfant de la tribu, de la famille qui va se déguiser, qui va jouer le rôle. Et l'histoire très tragique, c'est que ces gens sont déplacés. Ils vont aller à Berlin, ils vont aller à Prague et puis se dirigent vers Paris. Mais sauf qu'ils sont frappés de maladie. Ils sont frappés de maladie et en quelques mois, tous les membres des deux familles vont mourir. Et encore une fois, on a un rapport très contemporain à cet événement puisque la question de la restitution des corps se pose encore aujourd'hui. Et si on connaît cette histoire-là, c'est parce que le fameux Abraham Ulricab va tenir un journal. Et en fait, c'est une Québécoise, récemment, France Rivet, qui va redécouvrir cette histoire. Tout à fait, une femme de Gatineau qui a redécouvert et qui a surtout fait d'incroyables démarches pour que le gouvernement canadien et le gouvernement français s'entendent pour la restitution des corps. Elle a publié un ouvrage donc, sur les traces d'Abraham Ulricab pour justement faire connaître cette histoire et puis la diffuser le plus possible. Et donc, il y a eu en 2015 un accord entre les deux pays de restitution. Je ne saurais dire, par contre, si les corps sont revenus jusqu'à présent, mais l'accord a été signé en 2015. Bon, l'apogée, l'âge d'or de ces eaux humains, ça nous amène au début 20e siècle. En fait, c'est vraiment la tenue d'expositions, de grandes expositions universelles, d'expositions coloniales également, dans les villes d'Europe, dans des villes américaines également. À nouveau, un extrait du documentaire « Exhibition ». À côté du monde du spectacle, les expositions officielles et universelles des États présentaient aussi des villages exotiques. C'est une immense mise en scène du monde qu'organise alors l'Occident dans des décors aussi extraordinaires qu'éphémères. La foule s'y presse et le public en redemande. Comme lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris, où près de 50 millions de visiteurs se rendront, ou encore à Wembley, où près de 25 millions de personnes viendront découvrir les peuples exhibés de l'Empire britannique. Il ne faut jamais oublier que pour la majorité des Occidentaux, c'est le premier contact avec ces populations qu'on a été chercher dans les régions les plus lointaines du globe et importer en bateau jusqu'en Europe. L'impact de ces spectacles populaires est alors immense, car il fait appel à l'inconnu et à la curiosité. Ce que nous découvrons à travers ces quelques images d'archives exceptionnelles sauvegardées du temps, c'est comment l'Occident est devenu raciste sans même s'en rendre compte. Exhiber des hommes et des femmes pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Les séparer ou les mettre à distance des visiteurs, les présenter comme différents et inférieurs, c'est construire une sorte de frontière entre le normal et l'anormal. C'est inventer une coupure entre deux humanités. C'est cela que fabriquent les zoos humains. comment l'Occident est devenu raciste sans même s'en rendre compte. C'est fort ce qu'on vient d'entendre, Carl Bouchard. Il y a beaucoup de choses dans cet extrait. Ça nous amène à cette grande question du contexte. Comment expliquer, comment est-ce que ça peut être possible que des humains aient organisé des zoos humains comme ça a été fait, encore jusqu'à le milieu du 20e siècle pratiquement. Qu'est-ce que ça nous dit sur... sur la façon dont on, à l'époque, dont on voyait l'autre. Ouais, dont on voyait l'autre. Eh bien, il faut dire déjà que, on en a parlé tout à l'heure, ce discours sur la supériorité des Occidentaux, on parle des Européens, des Occidentaux de façon générale, donc il s'implante peu à peu au 19e siècle. Il s'implante pour deux raisons. D'une part, la science permet à ce discours de s'implanter. Il y a tout un discours sur l'inégalité des races. Et en parallèle, il y a aussi la puissance de l'Europe. Donc, l'Europe étant puissante, on considère que cette puissance est le signe de sa supériorité morale, sa supériorité économique, militaire. Et donc, il y a à ce moment-là une supériorité raciale. On est aussi dans un siècle où on adore classer, catégoriser. C'est aussi un siècle de développement scientifique extrêmement important. On classifie les espèces, on classifie les espèces végétales, les espèces animales. Donc, pourquoi ne pas classifier également l'homme? C'est aussi une façon donc de présenter ce racisme qui devient ordinaire et qui devient une donnée scientifique. Ouais. C'est ce que pouvait dire, par exemple, Cuvier au début du siècle, un des premiers anthropologues du début du siècle, que c'est un fait, la différence des races. Dans le cas des exhibitions pendant les expositions coloniales, il est clair qu'il y a il y a différents objets qui agissent. C'est-à-dire que d'une part, il y a un intérêt pour les gens. Et on l'entendait dans l'extrait tout à l'heure. Pour la majorité des Européens, c'est la première fois qu'ils entrent en contact avec ces gens qu'on colonise. Alors, ils sont colonisés, on entend parler de l'Empire, mais on ne voit jamais ces gens. C'est une époque où il n'y a pas encore de cinéma. Le cinéma commence à la toute fin du siècle. Les Frères Lumière vont filmer des indigènes en train de se baigner dans une exposition coloniale. Donc, eux aussi participent à l'événement. Alors, on les voit pour la première fois. C'est aussi une population qui est relativement indifférente à l'Empire, aux empires. Donc, leurs problèmes quotidiens sont suffisamment importants. L'État leur parle de l'Empire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Là, cette fois-ci, on a des gens. Ça devient tangible. Exactement. C'est une réalité. C'est une réalité. Et puis, ça se fait dans une grande candeur aussi. Ça aussi, c'est troublant, mais ça en dit beaucoup sur... ça excuse pas, mais en tout cas, ça explique la candeur. On se promène là le dimanche après-midi, on va au jardin d'acclimatation avec les enfants, on se paye une barbe à papa, puis on regarde... ces inuits du Labrador faire reconstituer la chasse aux phoques, c'est exactement. Ça? Exactement. Je veux dire, on a aujourd'hui le même exemple. On va aux zoos de Granby pour aller voir les animaux qui sont en cage. Alors, c'est exactement la même chose. Il faut que les gens s'imaginent qu'on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a des gens souvent derrière un grillage qui sont assis, qui vont faire à manger, qui sont en train de tisser, qui font donc un travail quotidien. Et puis, les familles passent avec leurs enfants, leur montrent. À Bruxelles, il y a cet écriteau terrible où on dit « ne nourrissez pas les indigènes, ils sont nourris ». Donc, il y a aussi cette idée que ce sont véritablement des bêtes, à la fois humaines, mais aussi sauvages. Donc, il y a ce rapport très ambigu. Et puis, c'est un rapport aussi de civilisation. C'est-à-dire qu'on les présente comme des sauvages et ça nous donne aussi le droit d'intervenir chez eux pour les civiliser. Ouais. Et donc, il y a ce rapport-là aussi. Ils ne sont pas forcément éternellement sauvages. Et c'est tout l'objet de l'Empire, c'est tout l'objet de la colonisation, c'est de dire on va chez eux pour leur propre bien, pour les coloniser et pour les civiliser. Ça va expliquer aussi pourquoi, à un moment donné, les expositions perdent en popularité. En même temps, il y a... Puis bien sûr que le contexte explique beaucoup de choses, mais ne peut pas tout expliquer. Ce qu'il n'y a pas... On a parlé, dans le cas des zoos humains, de chosification. En tout cas, avec nos yeux d'aujourd'hui, il y a quelque chose de complètement inadmissible. Oui, c'est intolérable, en fait. Quand on y pense, c'est absolument intolérable. En même temps, il y a aussi cette dimension du spectacle qui est aussi troublante. C'est-à-dire que ces gens ne sont pas des esclaves. Donc, ce sont des gens qui sont soumis, qui rédigent un contrat, qui signent un contrat. Alors, les historiens qui ont beaucoup travaillé sur le sujet disent qu'il faut faire attention aussi avec les contrats, parce que c'est souvent des contrats qui sont signés par le chef du village, qui envoie donc sous compensation, donc envoie certains membres de sa tribu en Europe pour les exhiber. Donc, c'est des gens qui sont quand même... quelquefois rémunérés, ils sont nourris, alors ils sont souvent protégés aussi. Il y a des médecins qui se promènent avec les troupes parce qu'évidemment, ils sont soumis aux maladies, donc il ne faut pas perdre ces ressources. Donc on doit aussi, dans une certaine mesure, relativement bien les traiter. Mais c'est clair que les gens qui partent n'ont aucune idée de l'état dégradant dans lequel ils vont se retrouver une fois présentés. Et c'est le malheur, je reviens à ces Inuits du Labrador, quand ils réalisent ce qu'ils sont devenus, c'est vraiment la détresse pour eux. Oui, c'est la détresse, et surtout que quelques semaines après leur arrivée, passer déjà la mortalité des frappes. Exact. Donc, les 4 mois qu'ils ont passés en Europe, c'est 4 mois d'horreur, en fait, littéralement. Ça se termine quand, dans quel contexte, comment, de quelle manière, ces eaux humaines? Eh bien, ça s'étiole peu à peu, en fait. Donc, on a des expositions coloniales jusqu'après la Première Guerre mondiale. Mais après la Première Guerre mondiale, on sent déjà un petit basculement. Le premier basculement se passe un peu avant la Première Guerre mondiale. C'est que dans cette idée où on doit civiliser ces peuples, eh bien, on commence à se dire que ce sont de futurs citoyens. Donc, ce sont des gens qui, un jour, auront leur nation, seront des citoyens à part entière, alors qu'il devient de plus en plus difficile de justifier leur représentation comme s'ils étaient des bêtes en cage. Alors, on va le voir dans les expositions coloniales, par exemple, à partir du début du 20e siècle, les grillages disparaissent. Mm-hmm. On commence à recréer des villages un peu plus importants où on appelle le spectateur à s'immerger dans le village. Donc, le spectateur va déambuler dans des fausses villes où on va retrouver des gens qu'on n'appelle plus des sauvages, mais qu'on commence à appeler des indigènes et qui ont un statut différent. Et on les appelle à communiquer avec eux, à échanger avec eux, à acheter des objets de pacotille. Donc, peu à peu, les rapports évoluent. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, eh bien, on est confronté au fait que ces indigènes, ils ont combattu pour les Européens. Oui. Et on leur a fait miroiter cette idée qu'ils allaient, à travers ça, acquérir une citoyenneté. Alors, comment on peut continuer à faire cette présentation à des gens qui sont appelés à être comme nous, finalement, à être des citoyens, eux aussi, à part entière par la suite? Alors, donc, peu à peu, les expositions perdent en popularité. Il y a un autre effet aussi, c'est l'effet du cinéma. C'est-à-dire que on commence à les voir, ces gens, par la suite, dans les actualités cinématographiques ou au cinéma. Alors, il n'y a plus cette volonté de connaître qu'on pouvait avoir à la fin du 19e siècle. Est-ce qu'il reste aujourd'hui encore, Carl Bouchard, d'une manière ou d'une autre, à partir de cette pulsion qui était à l'origine des eaux humaines, cette espèce de sentiment de supériorité, de regarder l'autre, mais avec beaucoup de hauteur, est-ce qu'il reste quelque chose de ça dans les temps présents? Il reste certaines choses. On peut parler, par exemple, de tout le débat aujourd'hui sur l'appropriation culturelle. Donc, cette idée que on utilise encore aujourd'hui les cultures des autres pour les mettre en scène. Donc, ça, c'est un objet de débat. C'était l'objet de débat même à Montréal à la rentrée scolaire. Si on est un peu plus cynique, on peut voir aussi que ce rapport à l'autre, il est toujours là, à travers la télé-réalité, par exemple, où on exhibe des gens 24 heures sur 24 devant la télé. Ils sont plus ou moins mis en cage, mis en scène, et on les faire jouer un rôle. Ce sont des gens qui jouent aussi un rôle. Ils ont un contrat, ils ont de l'argent et ils sont là pour être exhibés. Et on est très confortable à travers ça, puisque ça conforte notre idée qu'on est mieux qu'eux. Donc, il y a encore aussi ce rapport-là à l'autre très étonnant. Parlement aussi une forme de tourisme qui nous amène à cette expérience unique. On va vous amener manger avec l'habitant, ou enfin. Absolument. Peut-être absolument. Que j'extrapole. Carl Bouchard, historien de l'Université de Montréal, collaborateur régulier à l'émission. Merci beaucoup, c'était fascinant. Avec plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.